Les feux de la bataille roulent en amont de Cornouailles. De noir habillé, le sang des héros s'épaissit à la brume. Lace Braise est mort. Fleur la veuve et l'écuyer, noble dame et page de cour, héros du roi. Crevé tambour, franchise est morte. Bretagne se meurt. Demain, pleureront gens de labour et gens de métier, les morts ambulants, les trop riches de vie. Demain, pleureront le bâtard et l'enfant bien-né, le mâle exilé en la neuve Babylone regarde passer les rêves d'ailleurs. Lace Braise est mort. Bretagne se meurt. Le trône est défait. Le vautour est repu. L'âme des morts au rocher cloué. S'émousse l'acier, roule les cimiers. Lace Braise est mort. Héros sans palefroid. Palefroid sans cavalier se gîte au nid de poussière. Le faon a perdu sa mère. Le sanglier quête son petit. Lace Braise est mort. Pleure mon pays. Quand soufflera le vent de vengeance sur la vallée des morts? Quand brûleront la haine et la violence sur le tombeau des forts?